Bonjour Aurore. Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand film puisqu'il a obtenu un prix prestigieux, la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Alors le synopsis du film, Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte, Sandra est bientôt inculpée malgré le doute, suicide ou homicide. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Et oui, dissection du couple, ça fait bien écho au titre Anatomie d'une chute. Qu'en as-tu pensé, Aurore? j'ai beaucoup aimé ça. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas été voir un film plus d'art essai, j'ai envie de dire. Moi, je sais que de plus en plus, les drames français sont de plus en plus bons et attirent de plus en plus de gens, ce qui est vraiment bien parce que ça change des comédies françaises. Mais oui, c'était un film qui était très intéressant. J'avoue que ça m'a surpris. Je pensais pas que ça allait être en français-anglais, en fait. Ça m'a un petit peu surpris. Après, bon, moi, ça me dérangeait absolument pas. Il y a juste un truc qui m'a fait extrêmement rire. C'est juste que ils ont tous la même coupe. T'as pas remarqué? Non, mais t'as pas remarqué? C'est vrai, que oui. La mère, l'avocat, le père, même l'assistante sociale. Le fils aussi, un peu. Ils ont tous la même coupe. Une coupe un peu au bol, au carré. Oui. Et tous les autres qui sont de l'autre partie, n'ont pas du tout la même coupe, notamment l'avocat général qui a les cheveux extrêmement courts. Mais sinon, tous ceux qui sont du même parti, j'ai envie de dire. Enfin, moi, ça m'a fait rire quand j'ai regardé le film. Justement, ils ont tous la même coupe. Est-ce que c'est voulu ou pas? Je ne sais pas. Mais ça m'a bien fait rire en tout cas. Ouais, ça pourra être un fun fact dans plusieurs mois ou années. C'est ça. Donc en effet, je te rejoins, c'est vrai que pour un film français, c'est agréable d'avoir un vrai film français construit, bien écrit. Mmh. Étant donné qu'il a eu un prix prestigieux, forcément, ça le met sur le devant de la scène. Là, il est près du million d'entrées, parce qu'il est sorti il y a quelques semaines, mais il est encore à l'affiche, il a encore plein de séances. Je pense qu'il y a un bon bouche-à-oreille. Puis Justine Triet, c'est une réalisatrice qui n'est pas son premier coup d'essai. Ouais. Son premier film, c'était La bataille de Solferino. Mmh. Elle avait réalisé par la suite Victoria avec Virginie Efira. D'accord. Et Sibylle également, mmh, avec Adèle Exarchopoulos. Alors c'est des films qui avaient fait beaucoup moins d'entrées, bien évidemment, mais là encore on retrouvait, je sais pas si tu les as vus, Aurore, ces premiers films. Je ne crois pas. Non. Alors moi j'avais vu Victoria et Sibylle, et c'est vrai que déjà c'était autour de femmes. Ouais. Donc là, Anatomie d'une chute, c'est autour d'une femme. D'une femme, ouais. Et elle accordait énormément d'importance dans ses deux premiers films à justement analyser la femme dans son entourage, dans ses situations de vie, etc. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans Anatomie d'une chute. Bah là, oui, complètement. Hein. Situation de vie et sur tout le long du film, enfin bon, il y a l'avocat général qui a des propos extrêmement crus, hein, et puis ça reflète bien, je trouve, ça a très bien reflété la justice française, où en fait on se base sur des faits, mais sur un moment donné d'une vie, en fait, et ça, je trouve, c'est une extrêmement bonne définition et démonstration de ce qu'est un couple, et en fait comment la justice juge un couple. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant de me dire, c'est vrai qu'en fait, on voit que des brides d'informations. Et en fait, on se rend compte que, bah oui, en fait, c'est normal qu'un couple se dispute. Enfin, voilà, c'est la vie de tous les jours et il faut qu'il y ait des disputes, parce que s'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a un qui s'efface et c'est pas bon. Mais, et du coup, on voit que c'est extrêmement compliqué et qu'on aurait tendance à juger extrêmement vite. Alors que faut pas que ce soit le cas, et je trouve que l'avocat qui défend du coup la Sandra, la femme, est extrêmement, enfin je trouve, extrêmement doué, et le jeu entre l'avocat, les propos de l'avocat et l'avocat général sont, enfin je les trouvais assez marrants, mais l'avocat général, ouais, extrêmement cru, Il y a oui, plusieurs oui. moments. Hein. C'est vrai, en effet, il n'est pas tendre avec elle. Non. Et c'est vrai que Justine Triet a fait appel à des spécialistes, bien ouais, évidemment, du milieu ça, judiciaire. Même des psychologues, tout ça, ouais. Ouais, donc ça rend le récit encore plus vérace. Bien sûr. Après, la petite réserve, parce que voilà, je me suis aussi renseigné un petit peu autour du film sur l'aspect judiciaire, parce que le film est très procédural et il y a une grande partie du film qui se passe dans un tribunal. Oui. Alors certes, c'est hyper bien rendu, mais l'avocat général, pour côtoyer des avocats, pour en connaître, ces personnes-là m'ont dit que l'avocat général était un peu trop caricatural. Oui, j'imagine. Ouais. J'imagine. Et qu'un avocat général, c'est pas un avocat. C'est un Mais magistrat, non. un avocat général. Et il est un peu trop cinématographique, entre guillemets. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Ouais. Je pense qu'il y a la petite touche d'humour et de pique qu'il fallait rajouter. C'est une fiction, techniquement, donc il faut bien rajouter un petit peu de piquant au personnage. Mais oui, il attaque extrêmement fort et très théâtral. Enfin, on voit quand il lit le livre ou quand il décrive la scène, l'enregistrement audio, en fait. En tant que spectateur, on est devant et... je sais pas si toi, tu partais sur quel pied, si elle était coupable ou pas. J'avoue que je prenais pas parti. Après, moi, je la voyais pas coupable dès le départ. Enfin, en tout oui. cas, dans mon idée, oui, c'était qu'elle n'était pas coupable. Mais j'attendais de voir ce que le film allait m'amener comme élément, justement. Et c'est vrai que, connaissant la réalisatrice et ayant quand même une position très féministe aussi et très engagée... Oui. Pour moi, voilà, elle n'était pas coupable d'emblée. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Oui, oui. Et puis on le voit bien dans le film, c'est-à-dire que les hommes sont pas malmenés, mais on sent quand même une envie de montrer l'homme sous un autre angle, de remettre un peu la femme au centre. Oui. Et c'est intéressant parce que du coup, on voit les hommes sur différents traits. Mm. On a donc le policier. Joué par oui. Swan Harlow, d'ailleurs qui se débrouille bien en langue anglaise. Oui. Ça m'a surpris parce oui, mais tous, hein. Je crois que je l'ai jamais vu jouer en anglais. Ouais, mais tous se débrouillent ouais. bien en anglais. Oui, hein, oui, franchement, ils ont bien fait leur travail de comédien. Ouais. L'enfant, pareil, je trouve que le personnage de l'enfant est un super personnage, ouais. très intéressant. Oui. Plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, ce qui m'a extrêmement surpris, c'est notamment la dernière scène où il est dans le tribunal, où il énonce les faits, notamment par rapport au chien à la tentative de suicide. On a l'impression qu'il récite son texte, mais quand on y réfléchit, c'est normal parce qu'en fait, il énonce des faits. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant de se dire, en fait, il joue mal, il récite son texte, mais en fait, tu réfléchis, il joue super bien, parce que là, il énonce des faits et il raconte. Et donc, forcément, oui, ça paraît un petit peu, pas récité, mais on voit, et ça, j'ai trouvé, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Ouais, il joue vraiment très bien le garçon, et puis on a donc, le personnage du mari, hein, qui est le cœur du film. Oui. Alors... Il est assez mineur comme personnage, oui, mais très peu présent, oui. on sent quand même sa présence c'est tout ça. Du long, ouais. avec notamment une scène assez forte de flashback. Alors d'ailleurs, c'est le point peut-être un peu plus négatif pour moi, j'en aurais aimé davantage. Oui, à la fin, on aurait... évidemment, mais après, je pense que ça, c'est justement jouer sur le fait que... en fait, leur preuve, elle veut rien dire, parce qu'en fait, quand t'écoutes l'audio, les claques, les coups, tout ça, le verre qui casse, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, du coup, si justement, comme on partait du principe qu'elle n'était pas victime, qu'elle n'était pas coupable, tout le long, en fait, nous, spectateurs, on dit, mais ça ne tient pas debout. C'est un enregistrement audio. Oui, il y a des coups, mais on ne sait pas qui a fait à qui. Et on est là devant, mais on fait, si tu veux, il y a des coups, mais ça veut strictement rien dire. Et ce flashback permet ça aussi, montrer que, en fait, c'est un audio, on n'a pas la vidéo. C'est exactement cela. Et puis c'est vrai que le film, le titre du film est très évocateur, hein, oui. de ce qui se passe. On, la réalisatrice va décortiquer voilà la chute et comme voilà tout ce qu'il y a autour. Niveau mise en scène, moi je l'ai trouvé vraiment hyper intéressante, c'est très carré, très millimétré. Oui. Même la photo, bon, c'est des couleurs assez blafardes, mais c'est assez froid, hein, mine de rien, comme atmosphère. Hein. C'est très froid, ouais. Bah, déjà, ils sont dans les Alpes, dans un chalet. Enfin, déjà, ça, c'est très froid. Ils sont toujours en veste. Enfin, voilà. Et puis, bah, même le Sandra, le personnage de Sandra, on voit, elle est très froide, très distante, très. Je dirais pas à côté de la plaque, mais elle est très, elle est très dans son monde. Elle a un jeu très, très en retenue, mais ça convient parfaitement. Ah hein, oui, non, oui, bien sûr. Mais sinon, par rapport au film, donc ouais, il y a vraiment énormément de personnages, tous très intéressants. C'est ça que j'ai bien aimé, parce que souvent dans les films, bon, il y a des seconds rôles qui servent pas trop à grand chose, oui, alors que là, chaque personnage est important. Et oui, un élément même clé dans le film. C'est ça, là, ils sont tous utiles, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est plutôt plaisant. La musique, elle est plutôt discrète. Ouais, j'avoue. Voire quasi inexistante dans mes souvenirs. Bah, à part la musique clé de la chute, mais c'est vrai. Après, et puis le gamin qui joue sur le piano. Oui, voilà, ouais, c'est tout. Mais en tout cas, non, pour une quatrième réalisation, elle fait fort la réalisatrice. Alors bon, forcément, ça met la pression pour la suite. mais en tout cas, c'est bien d'avoir décerné une palme d'or à ce genre de film, parce que, bon... C'est vrai que souvent, au Festival de Cannes, ils aiment bien un peu bousculer. Hein. On l'a vu lors des précédents festivals. Généralement, les prix sont parmis à des films classiques. Bon, il y avait eu quand même Robert Osloon qui avait eu deux fois le prix avec Sans Filtre et The Square. Mm-hmm. Titane, voilà, une réalisatrice française Titan, ouais, aussi. Mais là, je pense que le film mérite son prix. Je ne sais pas si c'est un film que je reverrai, par contre. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que c'est un film que tu... En train... Prendre plaisir, je sais pas si le terme est bien choisi, mais est-ce que c'est un film que tu reverras ou du moins peut-être pas tout de suite, parce qu'il est quand même, il dure quand même 2h30, il est quand même assez lourd comme film. Enfin, je veux dire, tu le regardes, tu en as plein la tête en sortant, mais t'en as plein la tête dans le bon sens du terme, parce que ça te fait réfléchir, t'en parles autour de toi. Mais voilà, je sais pas si c'est un film à revoir, je sais pas. Ouais, non, j'avoue que ouais, je le reverrai pas de si tôt. C'est un film marquant. Après, enfin, c'est bête hein, de dire ça, mais peut-être du fait qu'elle soit qu'elle soit pas coupable, fait que en fait elle l'aurait été, ça aurait été un tournant qui aurait été assez surprenant, parce que tout le long, en fait, on est là, on sait, on se perçoit en fait, et qu'elle est pas coupable, et du fait que là elle le soit, ça confirme juste ce qu'on pense, on fait bah ok, enfin voilà, il y a juste ce que j'avoue, ce qui m'a vraiment marqué, oui, c'est les propos de l'avocat général, ce qu'il dit par rapport à des disputes dans le couple, tout ça, mais sinon voilà, c'est après donc ouais, je le regarderai pas. Mais tu le conseillerais en tout cas. Ah oui, bien sûr, il est extrêmement entourage. Intéressant. Ouais. Non. Pour ça, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être, c'est un film voilà, qui se regarde une fois. Je pense qu'il va gagner aussi au fil des ans. Il va maturer. C'est comme une bonne viande. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un film qui va maturer au fil des ans. Et dans quelques années, le fait qu'il ait obtenu la Palme d'Or, bah, ça sera justifié. Et il va peut-être aussi servir d'exemple pour peut-être de futurs réalisateurs ou réalisatrices. J'espère aussi. En tout cas, j'espère. Ouais. Non. Parce que niveau série, côté judiciaire, on en a des très bonnes. Engrenage, par exemple, pour ne citer qu'elle. Mais c'est vrai que niveau film, il y en a beaucoup, des films parfois judiciaires, et ça creuse pas toujours. Enfin bon, c'est assez surfait. Et là, pour le coup, voilà, c'est très véridique comme film et très bien réalisé. Donc voilà, on ne peut que vous conseiller d'y aller au cinéma, parce que bon voilà, il faut encourager les films au cinéma. En plus voilà, le film va atteindre le million d'entrées, ça permet aussi de montrer au cinéma français qu'il n'y a pas que les films, en effet t'en parlais tout à l'heure, les comédies françaises qui peuvent fonctionner, ou les films plus grand public comme par exemple Les Trois Mousquetaires qui est sorti un peu plus tôt dans l'année, mais voilà, qu'avec un drame un peu plus intimiste et art et essai, mine de rien, voilà, on peut faire venir les foules. Ouais, et puis je pourrais rapprocher ce film à. C'était un. Je crois que c'était un téléfilm à l'époque. Qui est L'Emprise. Avec Odile Villemin, Fred Testo et Marc Lavoine aussi. Qui est. C'est un film extrêmement impressionnant. Très, très poignant. Fred Testo joue extrêmement bien. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Oui. Ça ressemble énorme. Enfin, ça ressemble. Ça ressemble beaucoup. C'est aussi une histoire judiciaire d'un homme qui est tué, donc cette fois-ci vraiment tué par sa femme, mais pour d'autres raisons. Et ce film-là, oui, aussi était poignant. Donc voilà, je pourrais le rapprocher. Oui, c'est vrai. Ouais, tu fais bien d'en parler parce que bah même à la télévision, voilà. Ah, moi, ça m'avait marqué. Ouais. Et puis, de savoir c'est une histoire vraie en fait. En plus, là, c'est encore pire. Ouais. Parce que bon, là, on sait que c'est fictionnel, donc oui. Bon, c'est pas pour autant qu'on n'est pas plus impacté ou pas. Non, mais non, bon, bien sûr. C'est vrai que là, le téléfilm était très impactant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Anatomie d'une chute, donc qui est sorti depuis le 23 août, mais qui est encore à l'affiche. Je pense qu'il y a encore quelques belles semaines. Devant lui, mais en tout cas voilà, on ne peut que vous encourager à aller voir ce film. Après vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique, comme dans chaque épisode, voilà, on vous met en avant un fait étonnant et Aurore en a trouvé un bien, je crois. Oui, c'est par rapport à Retour vers le futur. Je ne sais pas si tu le savais, mais Michael J. Fox était choisi pour être Marty McFly. Malheureusement, il ne pouvait pas parce qu'il jouait dans une sitcom Sacrée Famille qu'il a d'ailleurs révélé en tant qu'acteur. Et en fait, pour des raisons de planning, ça n'allait pas. Et Robert Zemeckis avait été forcé de choisir un autre acteur, alors que de base, dès le début, en fait, quand il a écrit le film, il savait qui est-ce qu'il voulait en Marty McFly. Et en fait, il avait choisi Eric Stoltz. Pardon. Et en fait, ils ont fait 4 semaines de tournage, à peu près, et ça n'allait pas, en fait. Le jeu d'Eric n'allait pas, et ça plaisait pas à Robert Zemeckis. Et en fait, au bout de 4 semaines de tournage, au final, ils ont réussi à trouver un arrangement avec Michael J. Fox, pardon. Et ce qui fait qu'en fait, il faisait la journée le tournage sur sa sitcom, et la nuit, les soirs, en fait, il enchaînait avec le tournage de Retour vers le futur, ce qui a été extrêmement compliqué. Sauf que petit problème, c'est que Michael J. Fox est plus petit que Eric Stoltz. Et donc, du coup, l'actrice Melora Hardin, qui joue Jen dans The Office, notamment, qui est connue pour assez connue pour ce rôle-là, en fait, était trop grande pour jouer, du coup, la petite copine de Michael J. Fox. Ça n'allait pas, enfin, voilà. Et donc, du coup, elle a dû être remplacée, en fait. Et c'est pour ça que dans le premier Retour vers le futur, on a... Claudia Wells, voilà. Ah oui, d'accord. Parce mais non, moi je savais pas tout ça. Elle était trop grande en fait. Ah oui. Elle a dû être remplacée au bout de 4 semaines, un mois de tournage en fait. Ah oui. Elle a été obligée d'être remplacée parce qu'ils ont changé d'acteur. Mais c'est vrai que Michael J. Fox, il est pas très grand. Je sais pas quelle taille il fait, mais d'accord. Ah bah dis donc, je savais pas du tout. Et puis je savais pas qu'il tournait comme ça après sa journée déjà de tournage pour une série. Ouais. Et ouais, ça a été très très très très compliqué. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bon après. Bon, ça valait le coup. Ça valait le coup, parce que encore aujourd'hui, les films ont quoi, 40 ans maintenant, 45 ans, je dirais, dans ces eaux-là, je crois. 85. Ah oui, 85. Et bah bientôt alors. Ouais. 40 ans, dans 2 ans, et voilà, c'est toujours des classiques. Oui. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, puisque vraiment la trilogie est vraiment incroyable. Alors, je ne saurais pas dire lequel je préfère, il faudrait que je me les remette en mémoire. Bah, le premier, mais bon, hein, toujours, oui, mais... forcément, toujours. Mais c'est vrai qu'ils ont chacun leur truc, et en effet, le film doit beaucoup à ses acteurs, hein, bien évidemment. Et puis, au-delà de Marty McFly, il y a le Doc aussi. Et bien lui évidemment. Aussi, le Doc, Robert Zemeckis, savait ces deux personnages principaux. Hein. Il les connaissait, il les voulait. Et il a, au final, il a réussi à les avoir les deux. Il a bien fait d'insister, ouais, parce qu'on est bien content aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Michael J. Fox, malheureusement, est bien malade. Il a la maladie de Parkinson, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais c'est toujours émouvant d'ailleurs quand on le voit dans des conventions, revenir ce que les fans l'adulent encore aujourd'hui. Et ouais. D'ailleurs, il y a, alors je l'ai pas vu, mais ils ont sorti un documentaire, je crois, sur Michael J. Fox. Je crois que c'est Apple TV+ qui a sorti ce documentaire qui retrace un peu sa carrière et puis bah cette maladie, parce que ça s'est déclaré assez tôt. Hein, Dès la fin, si je me trompe pas, le 2 ou le 3, il avait déjà des symptômes. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'après, ça a un peu mis à mal sa carrière. C'est vrai qu'on l'a plus trop vu, malheureusement, au cinéma. Par contre, bon, Christopher Lloyd, lui, on a continué à le voir. Oui. Bon, après, il était déjà âgé à l'époque. Là, aujourd'hui, il doit bien avoir plus de 80 ans, je dirais. Donc, mais bon, il est toujours en forme. Il joue toujours dans des films. Il n'arrête jamais. Bah écoute, merci Aurore pour ce fun fact. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur Netflix, il y a une série de documentaires sur des films cultes, en fait, qui s'appelle The Movies That Made Us. Et en fait, ça raconte comment les films cultes ont été faits et comment ils ont galéré souvent pour les films. Et il y a un épisode, du coup, voilà, sur Retour vers le futur. Il y a plein de fun facts, par exemple Pretty Woman qui ne s'appelait pas de base Pretty Woman, voilà. Plein d'histoires sur l'écriture, comment le réalisateur voulait absolument cet acteur, finalement il l'a pas eu et comment... Enfin voilà, c'est extrêmement... C'est la pression d'Hollywood, la pression par les studios, la pression par la création des studios indépendants, le projet qui fonctionne, sauf que du coup le studio lui fonctionne pas, donc du coup il est racheté. Enfin voilà, je trouve ça extrêmement intéressant de voir pour chacun des films vraiment cultes, il y en a plusieurs. Ok, ouais. Donc The Movies as Made Us. The Movies That Made Us. At Made Us. Ok, très bien. Bah écoute, nous y jeterons un œil. Comme dans chaque épisode, on se projette un petit peu dans les semaines à venir. Et il y a des films, Aurore et moi, qui nous hype plus que d'autres. Je vais commencer parce qu'il y a vraiment un film que j'attends impatiemment qui sort le 27 septembre au cinéma. C'est The Creator de Gareth Edwards. Donc c'est le réalisateur de Rogue One. Donc Rogue One qui était donc un spin-off de Star Wars, bien évidemment. Donc c'est avec John David Washington, le fils de Denzel Washington. Pour la petite histoire, donc dans un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle, IA, se livrent une guerre sans merci. Joshua, un ex-agent des forces spéciales fragilisé par la disparition de sa femme, est recruté pour traquer et neutraliser le créateur, l'insaisissable architecte d'une IA avancée à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre et détruire l'humanité tout entière. Avec l'aide d'une unité d'agents d'élite, Joshua traverse les lignes ennemies et pénètre au cœur de leur dangereux territoire. Il découvrira bientôt que l'arme funeste qu'il est chargé de détruire n'est autre qu'une intelligence artificielle supérieure qui a pris les traits d'un jeune enfant. Alors, c'est vrai que en lisant le synopsis, ça fait penser à plein de films. Moi, j'ai plein de films en tête qui me viennent. Il y a Elysium, que j'avais adoré. Je sais pas, Aurore, si tu l'as vu. Non. Avec Matt Damon, de Neil Blomkamp, qui avait fait notamment Chappie et District 9. C'est des films de science-fiction. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser aussi à iRobot un peu avec Will Smith à l'époque quand je lis ça. Et donc les premières bandes annonces sont sorties il y a peu de temps. Dès que j'ai vu la bande-annonce, déjà, je me suis dit, celui-ci, il faut que je le voie absolument parce que le film, visuellement, a l'air incroyable. Déjà, Rogue One était magnifique. Je sais pas si tu l'as vu. Non, Rogue One. T'es peut-être pas trop Star Wars aussi, après, je ne sais non. pas. Non, j'ai vu aucun Star Wars. Ah, oh là là, attention. Voilà. Il faut pas le dire trop fort. Non, je le dis pas. Mais pour le coup, Rogue One, même si on n'est pas un fan de Star Wars, ça revient, c'est entre des épisodes. D'accord. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu la saga Star Wars. Et il est considéré comme l'un des meilleurs films de la saga. Mm-hmm. Il est très bien écrit, très beau visuellement. Donc on retrouve le réalisateur derrière la caméra. Donc j'espère que ça va augurer un très bon film. La science-fiction, c'est vrai qu'on peut ou pas ne pas aimer. Mm-hmm. Mais quand c'est bien fait, ça vaut le coup d'œil. Et Gareth Edwards avait aussi réalisé le remake de Godzilla. D'accord. Il y a une dizaine d'années, qui avait très bien marché aussi à l'époque. Mm-hmm. Il y en a eu une suite. Ouais. J'ai vu qu'ils allaient en faire une série d'ailleurs prochainement sur Apple TV+. Ça n'arrête pas. En tout cas, voilà. Le créateur, donc ça sort le 27 septembre. Voilà, le film a l'air vraiment incroyable, que ne serait-ce que visuellement, de par l'histoire. C'est un bon gros film d'un peu plus de 2h15. Donc voilà, peut-être que ce sera, parce que bon, je sais pas, Aurore, si tu iras le voir, mais voilà, notre prochain coup de cœur, sait-on jamais, ou du moins, si c'est vraiment un film où je me dis c'est un coup de cœur, je t'inciterai à aller le voir. Mais peut-être que toi, tu vas me parler d'un autre film, ou pour le coup, ça sera peut-être aussi un film à voir absolument. Alors, en septembre, j'avoue, je m'en trouve pas. Oui, alors enfin, bah, au mois d'octobre, pas. Parce au que mine de rien, le mois d'octobre arrive alors, à grands pas. Il y en a deux au mois d'octobre. Oui. Il y a le prochain, normalement, dernier film de Miyazaki. Hein. Eh oui, c'est vrai. Le garçon et le héron. Oui. Et il y a le prochain film de Scorsese aussi. Exactement. Le 18 octobre, normalement. The Flower Killer. The Killer non. of the... Oui, j'ai oublié. The Flower Killer, The ouais, Moon, ouais. Il me semble, quelque chose comme ça. Il sort ouais, le 18 octobre, le prochain film de Martin Scorsese. Killer of the Moon. Ah oui, ouais, voilà, Killer of the Moon, ouais. Non, ouais. Pas 18 octobre, après. Si, c'est ça. C'est 18, ouais, il fait 3h27. Oh là là, alors là, attention, faut s'accrocher. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. Ces deux films, ils seront en avant-première au Festival Lumière à Lyon. Je sais que moi j'y vais, je sais pas si voilà. D'accord. Qui a lieu quand ? Qui a lieu la semaine donc du 14 jusqu'au 22 octobre. D'accord, très bien. Et après, je crois qu'il y a plus de place. J'avoue que la billetterie était hier. Donc il y a peut-être plus de place. Après, ils disent qu'il y a bien des billets à vendre sur place, donc peut-être que. Mais en tout cas, voilà, c'est un festival. J'ai été assez surprise. C'est un festival, donc accréditation gratuite. Par contre, les places, c'est à peu près 6 euros par film, donc ce qui va encore par rapport à des 12 euros. Oui, ça peut vite monter, ouais. Dans certains cinémas. Et il y a un peu de tout. Il y a du documentaire, il y a des films cultes, des vieux films cultes. Il y a, par exemple, moi, j'ai réussi à avoir Mary Poppins. Il y a des Buster Keaton. Il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, des Pirates des Caraïbes. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a aussi des films plus japonais, tout ça. Voilà, il y a des nouveaux, des anciens, des films cultes, des documentaires. Enfin, voilà, c'est un festival. Ouais, c'est assez important hein, comme c'est festival. Important. Ouais. Très bien, donc bon, voilà. Donc, nous verrons bien The Creator, le dernier Miyazaki. Donc, c'est le jeune. Le garçon et le héron. Le garçon et le héron, ou peut-être Killer of the Moon. Oui. Voilà, nous verrons bien, mais en tout cas, voilà, ces films sortent prochainement et bon, voilà, la barre est quand même très haute avec de grands réalisateurs derrière. Oui. Bah écoute, Aurore, je te remercie encore une fois. Merci à toi. C'était fort sympathique, voilà, de toujours parler de films. Et puis, bah, n'hésitez pas. À nous suivre également donc sur notre page Instagram. Oui. Ok Ciné. Voilà, on va abonder cette page, mettre un petit peu de contenu. Voilà, essayer aussi d'échanger avec vous, oui. de vous faire réagir. Voilà, si vous avez aussi des suggestions, parce que voilà, on regarde beaucoup de films, mais après peut-être qu'on passe à côté de pépites, oui, hein, sait-on jamais. Et puis bon, on se retrouve pour un prochain épisode. Bien sûr. À une prochaine fois.